Amis humains, bonjour. Poésie mutante. Pascal Normand. Apéritif. En ce premier jour de l'hiver, dissimulé dans l'ombre d'une colonne, vous observez comment, debout au comptoir d'un petit bar de banlieue, une main enfoncée dans la poche de votre pantalon, passant sans arrêt votre deuxième main dans vos cheveux en bataille, vous buvez un apéritif. Après plus d'une heure d'observation, n'y tenant plus, vous vous levez. Hésitant un peu, vous vous approchez et, trébuchant sur les premiers mots, produisant des formules embrouillées, vous vous adressez la parole. Vous faites facilement votre connaissance. Appréciez votre humour, votre conversation. Découvrez que vous possédez un certain charme dont vous ne saviez rien, qui vous enchante, que vous ne vous lassez plus de provoquer. La nuit tombe. Passé, futur, vous avez tant de choses à vous dire à la fermeture, vous êtes toujours là, en train de vous parler. Vous décidez de vous inviter chez vous. Vous vous suivez dans la rue. Traversez la ville chavirée dans la neige. Montez dans votre appartement. Vous installez dans votre séjour. Confortablement. Dans votre fauteuil favori. Mettez un disque et reprenez votre conversation. Dehors, l'aube peint des guirlandes, des chiens lumineux, des ombres rouges dans la nuit des arbres. Vous parlez, parlez encore, épuisez les tiroirs, les armoires, la mémoire. Tout danse autour de vous. Plusieurs fois, vous vous endormez dans votre canapé. Sursautez, vous redressez, vous remettez à parler. Le lendemain, vous vous réveillez allongé contre vous-même dans votre propre lit. Chancelant de fatigue, les jambes tremblantes, vous repoussez les couvertures et vous vous levez. Assis dans un fauteuil, vous regardez comment, les yeux encore emplis de sommeil, vous préparez votre petit déjeuner. Comment, maladroitement, luttant contre l'envie de vous rendormir, vous refaites votre lit tandis que chauffe l'eau de votre café. Tout vous semble nouveau. Chaque bruit, que pourtant vous produisez à l'identique depuis des années. Chaque objet, que pourtant vous utilisez régulièrement. Chaque attitude. L'appartement aussi, vous le voyez avec des yeux neufs. Vous refaites le trajet qui vous a amené à choisir tel meuble, à vous décider pour telle couleur, pour tel papier peint, telle affiche, telle peinture. Pendant que vous allez travailler, vous restez chez vous. Profitant de votre absence, vous explorez votre chambre, votre cuisine, votre séjour. Vous ouvrez les tiroirs, les valises, les commodes. Sur le petit bureau où vous rédigez votre courrier, vous retrouvez votre écriture, vos fautes d'orthographe. Et cette manière impossible que vous avez de mettre la ponctuation dans un texte. Armoire. Vêtements. Chaussures. Chaque jupe. Pullover. Manteau de pluie. Vous savez pourquoi. Vous vous souvenez du jour de l'achat? Connaissez les circonstances, les lieux, les raisons de chaque acquisition. Vous enfonçant dans tel instant, telle minute, que vous croyez à jamais passer, vous remontez le temps. Jour de pluie, jour de brume. Vous côtoyez des meubles, des animaux, des phrases dont l'existence s'est rassemblée dans tel tissu, telle couleur, tel vêtement. Dehors, il s'est remis à neiger sur la ville. Soudain, il vous vient à l'esprit qu'en sortant, vous n'avez pas pris votre manteau. Vous allez prendre froid, faire une grippe, une pneumonie, attraper la mort. Vous cherchez votre manteau dans l'armoire, le pliez sur votre bras, ajustez votre écharpe, enfilez un bonnet, choisissez des bottes fourrées, solides, chaudes. Avant de quitter les lieux, vous fermez soigneusement toutes les fenêtres, les volets et la petite grille qui permet l'aération du garde-manger. Vous dévalez les escaliers 4 à 4 et, le manteau dans le pli de votre bras, vous vous mettez à votre poursuite à travers les rues enneigées. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.